La résolution de solidarité avec les travailleurs de la République populaire démocratique de Corée a été adoptée le 4 mai à la réunion du Conseil présidentiel de la Fédération syndicale mondiale tenue à La Havane, Cuba. En voici le résumé. La République populaire démocratique de Corée, où les masses laborieuses sont maîtres du pouvoir d'État et des moyens de production, et tout de la société les sert, est l'État socialiste qui matérialise les idées du jeté. En Corée, où tout le peuple jouit sur pied d'égalité de la dignité indépendante authentique et du bien-être, grâce aux bienfaits de l'État, on livre vigoureusement la campagne de création de la vitesse Malima pour faire progresser victorieusement le socialisme axé sur les masses populaires avec la force motrice de la capacité de se renforcer soi-même. La résolution dévoile et condamne les machinations des États-Unis et des fantoches sud-coréens qui conduisent la péninsule coréenne au seuil de la guerre en livrant les exercices de guerre nucléaire d'envergure sans précédent et qui s'opposent à la réunification, aspiration unanime de la nation. Finalement, la Fédération syndicale mondiale appelle vivement toutes les organisations membres et organisations amies à témoigner à l'avenir aussi du soutien et de la solidarité invariable à la juste lutte de la classe ouvrière et d'autres travailleurs coréens pour la réunification, la paix et la prospérité de la Corée.